Chapitre 15. Aspect du Kouroul. Les cellules des religieux. Il n'est si incroyable chose dont on ne finisse par se convaincre quand elles sont vraies. C'est ce qui m'arriva à mon réveil, en me sentant rejetée dans la réalité par le plus affreux Charivari. Qui ne l'aurait pas entendu déjà, l'aurait pris pour le vacarme du jugement dernier. Je reconnus le bruit étourdissant des instruments de musique importés du Tibet à l'usage des bouddhistes. Me souvenant alors de la fantasmagorie de la veille au clair de lune, je me hâtai d'avoir une idée du lieu au grand jour. La nuit prête à toute chose un air mystérieux. Même les scènes les plus familières à notre vue prennent dans l'ombre des teintes confuses. Le soleil brillant sur les steppes leur donnait un tout autre aspect que la veille. Une vaste plaine s'étendait devant moi, abondamment pourvue d'eau, semée de quelques bouts gris et couverte d'herbes verdoyantes. Une cinquantaine de guerres abritaient tout le personnel du séminaire. À une certaine distance se trouvait un groupe de 7 autres tentes où sont gardées les idoles. Note. Le nombre 7 est reproduit souvent chez les bouddhistes par allusion aux 7 pas que fit Bouddha aussitôt né vers les différents pays en annonçant sa mission. De même, en mémoire de la mort de sa mère qui mourut 7 jours après la naissance de son fils. Fin de note. La plus spacieuse est réservée aux plus vénérés. L'importance et la richesse de chacune d'elles dépendent du rang de la divinité. La guerre du lama est dressée près de ces lieux sacrés. Les principaux théologiens du séminaire ont leurs tentes tout autour de celles-ci. Elles sont toutes uniformes à l'extérieur, mais leur grandeur varie. D'autres s'étendent à perte de vue, habitées par des laïcs ayant foi au bonheur que porte le voisinage de ces idoles. Ce vaste camp de fidèles fournit en grande partie à celui des moines les provisions nécessaires qu'ils apportent journellement avec des offrandes en argent comptant. Dans le séminaire, on élève des enfants de tout âge qui remplissent en même temps l'office de serviteurs des religieux. La partie du camp où résident les moines est affectée aux personnes laïques ou ecclésiastiques qui viennent y faire leur dévotion et se présenter au lama. L'entrée des 7 guerres réservées aux idoles n'est permise que dans le but d'y faire des prières, des saints exclusifs de tout croyant. La tente particulière du Noyon est dans le campement des moines. Elle ne peut être habitée que par lui et en son absence par 2 Gelung qui en ont la garde. On la reconnaît à une longue perche peinte en rouge et en jaune, plantée sur le seuil et surmontée d'une flèche de fer garnie de glands des mêmes couleurs. C'est là le blason seigneurial. Les idoles de la famille Tundut y sont conservées sous les apparences de 3 petites figures enveloppées d'un manteau de soie et ne montrant que leur tête. Il n'est pas permis aux femmes, pas même à la Noyon, de pénétrer dans ce sanctuaire de famille. Note, par une faveur spéciale refusée à toutes les Kalmouks, j'obtins d'entrer dans cette tente. Fin de note. Plusieurs autres emblèmes divins sont étalés sur l'autel, recouverts d'un tapis et de morceaux de soie, offrandes aux divinités. À proximité, des tentes nous furent réservées à la Noyon et à moi. Toutes les deux étaient garnies aussi confortablement qu'on pouvait l'espérer en tel lieu et en pareilles circonstances. Un lit entouré de draperies en coton rouge, recouvert de tapis, formé avec d'autres sur le sol, tout l'ameublement. La châtelaine Kalmouk avait sa place indiquée par un feutre posé par terre devant le lit et couvert comme celui-ci d'un drap d'honneur tout noir avec une large bande rouge de même étoffe au milieu. C'était un signe de haute distinction auquel a droit la famille seule du Noyon. On avait mis près de ma couche une table et une chaise, attention que je devais sans doute à ma noble compagne. Ma présence était un sujet d'étonnement pour tous ces reclus qui n'avaient jamais reçu semblable visite. Le lendemain, en apparaissant dans la plaine, je fus entouré de tous les lamaïtes du Rouroul, jeunes et vieux, me suivant dans les tentes où j'entrais comme un essaim d'abeilles tourbillonnant sur leur ruche. Mais cette juste curiosité n'avait rien de malveillant. Ils me considéraient avec la naïveté des enfants à la vue d'une chose qui leur est inconnue. Un Kalmouk égaré dans une de nos villes civilisées ne réunirait-il pas à sa suite une foule de badauds? Le mobilier des tentes cellules consiste presque uniquement en lits uniformes. Il y en a plusieurs dans chacune. À leur défaut, les séminaristes s'étendent sur le sol. Un guéloum de quelque importance n'a que deux lits, le sien et celui d'un moine subalterne. Ils sont faits de quatre pièces adaptées par autant de morceaux de bois. Le fond est une légère planche sur laquelle sont repliés plusieurs feutres recouverts d'un tapis qui pend sur le devant et sert d'ornement. Un mince matelas bourré de plumes et un petit coussin composent la literie. La draperie dont j'ai parlé protège le fond dans toute sa longueur et se relève en haut, sur le devant et sur les côtés, décoration qui ne manque pas d'un certain cachet. Le tapis qui s'étend au pied est la place où le moine reçoit les visiteurs de distinction. Il y prend ses repas, servi sur un banc étroit et long qu'il recouvre de son mouchoir en toile coloriée, toujours attaché à gauche dans sa ceinture. Ce carré d'étoffe sert ainsi de nappe, de torchon, de serviette, etc. De chaque côté du tapis principal, on en étend plusieurs autres pour les visiteurs moins importants. Ces tapis sont de Perse et du Caucase. Les Kalmouks en ont pris l'usage de leurs voisins. La cuisine est établie au milieu de la tente, sous l'ouverture circulaire ménagée par le soulèvement de la toiture en feutre. Là, sur de la boue séchée et durcie, bout la marmite qui contient le mouton de rigueur. Toute guerre a sa cordée et son autel où sont étalées les images divines. Les lamaïtes en ont un bon nombre. On voit quelquefois, notamment chez les principaux guélungs, les ustensiles usuels de ménage. Le large vase où se garde en réserve le koumis et où l'on puise avec une grande cuillère en bois pour le verser dans l'écuelle que l'on connaît déjà. Il y a encore la cruche à thé, le plat pour le mouton et la bouteille en cuir pour l'arca. C'est là tout leur service de table et de cuisine. Les séminaristes font les honneurs de la tente en offrant leur ordinaire aux visiteurs. Parfois, on y voit suspendues deux photographies. D'abord celle du lama des Rouroul de Loulous et de l'empereur de Russie. Quelques degrés de civilisation se reconnaît chez les religieux. L'un a un nécessaire athée et un samovar russe. L'autre, une collection de bibelots dont il ignore probablement l'usage, cadeau offert par des pénitents désireux d'obtenir des indulgences. Car les prêtres lamaïques ne refusent pas, plus que d'autres, les rétributions matérielles. Les moines du Grand Rouroul portent le costume déjà décrit, composé du caftan rouge, du chapeau pour les supérieurs et du bonnet pour les inférieurs, à peu près semblable à la forme usitée chez les prêtres catholiques de plusieurs localités. La plupart des Rélungs sont chaussés de hautes bottes à l'écuyère en maroquin rouge. Tous se font remarquer par une malpropreté uniforme de leur personne et de tout ce qui leur sert. Mais ils ne paraissent nullement en être incommodés et n'en ont pas moins des mines très florissantes. Ils n'auraient jamais pu trouver un lieu plus paisible que ces steppes pour la contemplation prescrite par Sakyamuni. Là, tout les invite à rentrer en eux-mêmes, comme leur donne leur foi. rien ne les distrait des pensées qui doivent les conduire à la perfection bouddhique. Il se peut que plus d'un se révolte dans son fort intérieur de devoir arriver, par le plus complet anéantissement de son être moral, à se considérer comme un vivant mort. Mais extérieurement, rien ne dénonce les rigueurs auxquelles doivent se soumettre ses adeptes. Il montre la mine réjouie de ceux qui ne manquent de rien dans cette vie qu'ils paraissent envisager avec moins d'amertume que le fondateur de leur croyance. Fin du chapitre 15.